1. Les livres sont sur les tables. B. Il y a des fleurs. C. Il y a une chaise devant la table. D. L'affiche est sur le mur. E. Il y a des chaises contre les murs. 2. A. Il y a une affiche au-dessus du fauteuil. B. Le fauteuil est contre le mur. C. Le livre est sur l'étagère. D. La photo est sur le mur.